23. Le nerf de la guerre. Lu par François Chenel. Le nerf de la guerre. Certes, le monde académique est principalement financé par l'argent public. Il est plus facile de se nourrir d'honneurs et de réputation quand un salaire vous est versé chaque mois. Précisons que ce n'est pas le cas partout, telles les universités privées américaines qui ne contribuent pas moins que les autres aux revues scientifiques et aux colloques internationaux. Il ne viendrait pourtant pas à l'esprit de la direction de Stanford ou de Princeton d'empêcher ses chercheurs de publier, car il y va de la notoriété de l'université, de sa capacité à drainer les meilleurs étudiants attirés par des chercheurs réputés dont l'enseignement joue, dans ce cas, le rôle de produit dérivé, monnayable, de la connaissance. Il faut ensuite souligner qu'une immense part des savoirs produits au sein du système coopératif et académique ne trouverait aucune incitation dans l'univers du privé. Si la mise au point d'un percolateur se valorise sur le marché concurrentiel, qu'en est-il du théorème de Pythagore ou de la structure en double hélice de l'ADN? Leurs débouchés commerciaux sont trop aléatoires pour justifier l'investissement privé. Et pourtant, les bénéfices de la production de ces connaissances sont souvent immenses. Bénéfices sociaux, lorsqu'il s'agit de sciences humaines, mais aussi bénéfices économiques. Quand, en 1917, Einstein introduit la notion d'émission stimulée pour définir la répartition spectrale du rayonnement du corps noir, seuls quelques physiciens saisissent l'importance d'une telle avancée. Reste que, 40 ans plus tard, Charles Townes s'appuiera sur ces démonstrations pour imaginer les premiers lasers. Aujourd'hui, ils sont utilisés en médecine et en chirurgie, dans la transmission et le traitement de l'information, l'industrie, l'armée, ils génèrent des milliards d'euros de revenus. Il est évident que seuls les mécanismes de la science ouverte, partage du savoir, reconnaissance symbolique, rémunération publique, pouvaient assurer l'existence des travaux du physicien. Le marché et la privatisation de la connaissance induite par les brevets sont inadaptés à l'émergence de ce genre de savoir fondamental. Je cite « Quel est le rendement social du théorème de Pythagore ? Et comment récompenser ce travail à sa juste valeur ? Ce n'est bien sûr que dans une économie non réduite aux seules valeurs monétaires, mais qui intègre les récompenses d'honneur, que peuvent se penser les mécanismes de récompense du travail de connaissance, estime ainsi Dominique Forêt.